Et avec Jérôme Clément, nous partons aujourd'hui, nous revenons plus exactement en 1837 au musée de l'histoire de France à Versailles. Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie, les maires du palais. Roi, empereur ou président, chacun veut écrire le roman national à sa façon. Pourquoi 1837 pour ce fameux roman national ? Après la révolution de 1830, la France était profondément divisée. Louis-Philippe, roi des Français, n'avait dû son pouvoir qu'à la peur des chambres de voir la rue imposer la République. Fragilisé par l'opposition des légitimistes, du bonapartisme populaire et des républicains, il lui fallait rétablir l'unité nationale et légitimer sa prise de pouvoir. Dès 1832, Louis-Philippe décide la transformation du palais de Versailles en musée de l'histoire de France dédié à toutes les gloires de la France. Il est entouré de nombreux historiens, dont Guizot, qui fera voter en 1833 la première grande loi sur l'éducation et fait de l'histoire une discipline pour les lycées. On se sert dans les grandes collections disponibles, mais cela ne suffit pas. Et dans une frénésie de commandes, on complète par de nombreux tableaux, souvent de très grands formats. Delacroix, les frères Schaeffer, Horace Vernet, Deveria et bien d'autres sont sollicités. Pour cette entreprise de captation d'un double héritage, celui de la royauté, celui de la République, Louis-Philippe, sans économiser, surveille de près les travaux et en définit le thème des œuvres. Le Moyen-Âge, encore mal connu, est parfait pour développer une vision mythifiée de l'histoire. Clovis, Saint-Louis, Philippe Auguste, les croisades montrent la France à la pointe de la défense de la chrétienté et la royauté soucieuse de défendre le territoire. Louis-Philippe, lui-même, est représenté au pied du moulin de Valmy, bataille à laquelle il participa réellement auprès du général vainqueur Dumouriez. Il n'hésite pas à faire une place de choix à Napoléon. Napoléon, le symbole de l'union des idées de la Révolution et d'un pouvoir autocratique. Mort en exil, sa gloire ne faiblit pas. Toute une partie de l'opinion réclame le retour de ses cendres. Ce que Louis-Philippe acceptera en 1840, après avoir, dès 1833, fait replacer la statue de l'empereur sur la colonne de la place Vendôme. Ce fort intérêt royal permet d'ouvrir le musée de l'histoire de France dès 1837. La salle des états généraux montre aux républicains que les bons rois ont toujours été à l'écoute de leur peuple. La galerie des croisades permet aux vieilles familles nobles de retrouver leurs armoiries sur les vêtements des croisés. La galerie des batailles, remise à l'honneur récemment pour la visite de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, donne sur la salle, célébrant les événements de 1830 qui concluent providentiellement plusieurs siècles d'histoire française. Je tenais d'abord à remercier le président Poutine d'avoir répondu à l'invitation que je lui avais faite il y a quelques jours pour venir dans ce lieu symbolique où aujourd'hui nous célébrons les 300 ans, presque jour pour jour, de la visite de Pierre le Grand en France. On n'en reste pas là. Pendant encore 11 ans de règne, Louis-Philippe continue d'enrichir ce musée, en particulier en liaison avec sa politique extérieure, l'expédition du Mexique, le soutien aux Grecs contre les Ottomans et surtout la conquête de l'Algérie. Horace Vernet, bonapartiste rallié, peint en particulier la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale, fils du roi. La toile de plus de 20 mètres de long est livrée à peine 2 ans après l'événement. La Troisième République reprend l'enrichissement du musée et le dote d'œuvres d'histoire immédiate ou de portraits de célébrités. Surtout, en généralisant l'instruction publique obligatoire et en utilisant les reproductions des tableaux du musée pour illustrer livres scolaires ou dictionnaires, elle donne au roman national une portée nouvelle et en fait le socle de la culture historique populaire de notre pays. Brève histoire de la culture de Jérôme Clément et Jean Rosa, une série réalisée par Annabelle Brouard.